On va parler du multiconsignant d'Odelbeau Mississini avec notre ami Elliot Lapointe. Salut Elliot. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Elliot, on revient sur la série contre Charlevoix. Ça a été une série quand même avamment disputée. Ça s'est terminé en 6 matchs. Ouais, ça s'est terminé par une victoire assez convaincante à Odelbeau là, samedi soir. Écoute, le but, notre objectif dans tout ça, c'était d'aller en chercher une à l'extérieur. On a réussi, dans les deux premiers matchs, à revenir avec 1-1. On a gagné nos deux matchs à Odelbeau. On a échappé celui-là avant du vendredi, le cinquième match. Puis, non, c'était une série assez honnête, mais si t'assistes à tous les matchs, je pense qu'on la méritait, là. C'était hors de tout doute. Là. OK. On avait parlé la semaine passée avec Simon Tremblay puis les autres joueurs. Puis on disait que c'était une série qu'il y avait quand même une petite rivalité avec Charlevoix, là. Ouais, ben écoute, dans une ligue à 4 équipes, ben, c'est pas long de tour, puis que que la rivalité se crée, mais je te dirais au début de la série, là, si on veut parler en termes de cote, là, les chances étaient pas mal égales. Quelqu'un avec une vision objective aurait peut-être eu de la misère à prédire qui gagnait, mais il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Faut pas se cacher que Charlevoix, quand on est venu à Odelbeau, il était assez décimé. Nous, on a sorti pour une partie de la série un de leurs bons joueurs de l'autre côté. Donc, c'est des affaires qui ont rentré en ligne de compte. Landreville a gaulé une excellente série. Donc, ça a tourné notre bord, puis tant mieux. Ben oui, effectivement. Comment tu vois la série contre les MJR Express de la Baie? C'est une série qui pourrait être longue. Une série toute régionale, en fait. Les MJR, écoute, les jouer à la Baie, c'est pas facile. Là. C'est assez hostile comme territoire. Là. Ben oui, l'une des dernières fois qu'on est allé là, ça s'est battu dans les estrades. Là, ça s'est en malade dans les estrades. Puis on s'est dit, ouais, mais nous autres, on n'a pas de partisans. Fait qu'ils sont en train de se battre entre personnes du Saguenay. Là. Ouais. Ouais, il y a beaucoup d'animosité dans les estrades, mais ça va être, comme tu dis, ça devrait être une longue série. On n'a pas nécessairement le même style. Jonquière joue un style assez robuste, beaucoup d'intimidation. Écoute, eux, Jonquière ont des gars, Saguenay ont des gars qui sont là pour brasser, là, pour se battre uniquement. Là. Nous, on n'en a pas, mais il va pas falloir embarquer là-dedans, mais il va falloir répondre. En même temps, il faudra se tenir debout, puis écoute, on va jouer notre style, ils vont jouer leur, puis le meilleur va l'emporter. Hein. OK. Dans l'avantage numérique, est-ce que ça va quand même assez bien? Parce que souvent, on peut faire payer l'équipe avec ça, là. Oui, on a joué contre Charlevoix, là, on a eu, on a beaucoup de succès, on a deux bonnes vagues de power play, là, le pourcentage, ça dirait, mais non, ça a bien été là, dans des calibres comme ça, où est-ce que le jeu est quand même ouvert, faut profiter de tout ça, puis ça a bien été, mais le power play, c'est pas trop mon affaire, là, Danny, là. Ouais. Non, mais ouais. Vous pouvez quand même faire payer pareil l'équipe avec ça, là. Oui, je pense que ça a bien été, contre Charlevoix, là, ouais, je pense qu'on a fait payer, on a tellement des joueurs talentueux, des joueurs offensifs dans l'équipe, okay. Là. Des bons défenseurs, là, Pierre-Olivier Nau, au dernier match, il a fait payer l'équipe adverse. Fait que quand t'as un gars comme ça à pointe, souvent on met Simon Tremblay avec lui à pointe. Oh, mais c'est sûr que c'est fort. Ben, il va, là. Ils ont des shots, ils ont des mains, ils sont créatifs. Fait que c'est une bonne force de frappe. Là. OK. Donc, Elliot, ça commence les deux premiers matchs, c'est au Saguenay, c'est ça? Non, c'est 1-1-1. OK, on y va avec un. OK. On s'échange de la glace. Là. Ça va toujours être le vendredi à Saguenay, puis le samedi, il va tout le temps être à Odelbeau. Donc, je pense que si ça va en 7, ça finit un vendredi à Saguenay. Ah, OK. Donc, on va suivre ça de très, très près. Ben, Guette Lapointe, un gros merci pour le plaisir de se parler. Oui, pas trop. Le défenseur du multiconsignat de Beaumont-Sessigny, Guette Lapointe.